visiteurs, celles qu'on ne voit jamais. Quatre murs de parure, la misère qui se tait. L'enfant s'est caché au creux de l'oreiller. Il entend des cris, on parle de lui. Quand les portes ont claqué, quand la mère a pleuré. Dans le noir de sa chambre, l'enfant s'est replié. Sur le mur de la nuit, marqué de blessures, une fenêtre s'ouvre et laisse échapper. Un rêve d'amour, c'est le tien, c'est le mien. Un rêve d'amour sur la terre de Cain. Violence héréditaire acquittée au palais. Des parjures discrets, des justices bancaires. Le voilà désarmé, c'est pas moi qui a tiré. C'est l'arme à la main qui en avait besoin. Bousculade au métro pour une couleur de peau. Engueulade au patio, les voisins tournent dos. Et sur le mur de la nuit marqué de blessures, une fenêtre s'ouvre et laisse échapper. Un rêve d'amour, c'est le tien, c'est le mien. Un rêve d'amour sur la terre de Cain. Violence héréditaire que l'on voit désormais entre un sourire de bière, les comiques et les jouets. Caméra câblée sur la guerre et la haine. Liberté qu'on enchaîne à l'heure fixe des nouvelles. Quand l'écran va crever sur le tas de vaisselle, un coup d'œil blindé sur un monde trop cruel. Bordé de bouffons, la berceuse qui l'endort, c'est encore la télé au milieu du salon. Mais sur le mur de la nuit marqué de blessures, une fenêtre s'ouvre et laisse échapper. Un rêve d'amour, c'est le tien, c'est le mien. Un rêve d'amour sur la terre de Cain. Sur le mur de la nuit marqué de blessures, une fenêtre s'ouvre et laisse échapper. Un rêve d'amour, c'est le tien, c'est le mien. Un rêve d'amour.